Aujourd'hui j'taffage, je me lève, j'allume un doubi. Antipsychotique, pas prescrit par le toubi. La tête à l'envers, le veau serre comme une toupie. Ta gueule, tu la fermes mon frère, quand tu parles on soupire. Je deviens faible quand elle ne porte pas de soutif. On est hal, on est yum, on est fucked up, mais y'a pas de soucis. Sourcils froncés, j'oublie de pioncer, faut de la beuh, passe un coup de vis. Tous les jours c'est la même merde, pour qu'en sortir on vit pour le bif. Rate au passement de jambes crochées et j'arrive dans ce truc comme R9. J'suis toujours fourré dans ce truc avec une paire neuve. J'vis la vie comme dans un ring et j'encaisse les coups durs, j'reste là. Crache la molle, j'encaisse le coup d'une presta. Putain de merde, putain photo, on change pas le monde en appuyant sur un putain de bouton. J'suis un sauvage dans la savane, j'suis un lion, pas un mouton. On vit pas dans le même monde, enfin putain j'suis pas un rookie. Enfoiré, tu m'as pris pour qui? Aujourd'hui j'taffage, je me lève, j'allume un doubi. Antipsychotique, pas prescrit par le doubi. La tête à l'envers, le veau serre comme une toupie. Ta gueule, tu la fermes mon frère, quand tu parles on soupire. Je deviens faible quand elle ne porte pas de soutif. On est hal, on est yum, on est fucked up, mais y'a pas de soucis. Sourcils froncés, j'oublie de pioncer, faut de la beuh, j'passe un coup de vis. Tous les jours c'est la même merde, pour qu'en sortir on vit pour le bif. J'arrive dans ce truc comme un missile, j'arrive dans ce truc comme Poutine. Je veux pas de Rolex, je vais la casser, faut que je tue le temps, il faut que je tue la routine. Je suis loin des portes du paradis, je suis près de la porte de la Villette. La vie c'est la roulette russe. Mon passé en dents de scie, mon futur en roue libre. T'inquiète pas, mes négros ne connaissent pas le stress. Tous mes négros sont calmes. On fume de l'herbe. J'suis pas un mauvais garçon, mais j'en ai dans le son calme. On vit pas dans le même monde, enfant de putain, j'suis pas un rookie. Enfoiré, tu m'as pris pour qui? Aujourd'hui j'taffage, j'me lève, j'allume un doubi. Antipsychotique, pas prescrit par le toubi. La tête à l'envers, le veau serre comme une toupie. Ta gueule, tu la fermes mon frère, quand tu parles on soupire. Je deviens faible quand elle ne porte pas de soutif. On est hal, on est yum, on est fucked up, mais y'a pas de soucis. Sourcils froncés, j'oublie de pioncer, faut de la beuh, j'passe un coup de vis. Tous les jours c'est la même merde, pour qu'en sortir on vit pour le bif.